Comme au premier jour, toujours, toujours, je me souviens du temps charmant, où sous le cerisier, le cœur grisé, tu m'as parlé d'amour. Comme au premier jour, toujours, toujours, je revois le matin où le destin mettait sur mon chemin, dans le creux de ta main, mes plus beaux lendemains. Mon horizon, mon rayon de soleil, c'est toi dès ton réveil qui fait ma plus jolie chanson. Comme au premier jour, toujours, toujours, le printemps refleurit quand tu souris et me donne la joie de te sentir à moi autant qu'au premier jour. Comme au premier jour, toujours, toujours, nous irons tous les deux heureux, heureux, sur le même chemin, cueillir des lendemains qui n'auront pas de fin. Mon horizon, mon rayon de soleil, c'est toi dès le réveil qui fait ma plus jolie chanson. Comme au premier jour, toujours et toujours, enchaîné désormais à tout jamais, grandira notre amour qui sera pour toujours.